En ce milieu de XXe siècle, l'hiver est rude. L'hiver, c'est un guerrier qui n'a pas froid aux yeux. Dans la salle de classe, le poêle est aux abois, suggérant quelques braises. Il est déjà nuit quand la cloche résonne dans la cour de l'école communale. Du haut de son estrade, le maître, en blouse grise, grommelle encore quelques derniers reproches. Tout le monde s'en fout, surtout moi qui n'ai toujours rien compris à la règle de 3 à la preuve par 9. Je n'ai qu'une seule envie, rentrer à la maison. Le cartable bondé de certitudes académiques, je prends le raccourci qui longe le canal. J'ai le soulier craquant sur la neige endormie. Pleine de bon sens, la lune allume mes pas en inventant des ombres que je ne connaissais pas. Et puis je me suis arrêté pour soulager ma vessie, faire sointer le bigoudi, comme disait mon grand-père. Le jet était si puissant qu'il me semblait arroser la voie lactée, si bien que mon regard se planta dans l'espace. J'avais le nez dans les étoiles. Soudain, tout me parut vertigineux, indomptable. J'étais tout petit et tout devenait immense, avec cette impression perfide de nager dans l'inouï. J'avais soif, soif de l'inconnu. Un jour, quand je serai grand, je montrerai à tous ce dont je suis capable. J'accomplirai ce que personne n'osera jamais faire. Nancy, Jupiter, à la nage. Soleil. petit à petit. Petit à l'arrière du train, je fais son lit. Petit je traverse petit. La ville. Petit ses à rues, petit. Ses boulevards. Si Jupiter à la nage quitte Stanislas le cœur serré, pensez les rivières comme des nuages tout seul. Je nage et j'ondule. Nancy, Jupiter. Choisir Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. Nous étions 550 anges heureux au Ninkasi samedi soir. Le concert de Ange a été absolument fabuleux. 2 heures de pur régal entre des extraits du nouvel album dont vous venez d'entendre un large extrait. Et donc des classiques dont Balade pour une orgie, Ces gens-là, Capitaine Cœur de Miel. Un groupe en très grande forme. Avec une première partie avec nos amis de Bourg-en-Bresse, Messaline et l'ami Eric Martola qui eux aussi pétaient la forme. Vraiment un concert fabuleux. On s'est régalé. Ange étant tourné en France, ne les ratez surtout pas. En plus, le prix des places est vraiment abordable. Je continue avec ce petit clin d'œil à Ange, à Seigneur tout honneur. Silver Hunter, et c'est pas que pour la rime, a repris Ode à Émile. Ode à Émile, le classique dans Émile Jacotet. Je me fais plaisir, j'espère vous faire plaisir en vous passant donc l'extrait de ce mini-album de Silver Hunter intitulé Concrete Hearts qui suit la caravane de Ange. Voilà, ça y est, j'ai fait ma petite pub. Tout de suite, Ode à Émile. Frapper l'enclume, de regarder passer les lunes, tu sais parler de nos aïeux, comme s'ils n'avaient jamais été vieux. La cheminée s'étonne encore, la charrue ne s'essouffle plus, tu ressembles à ces chercheurs d'or qui auraient un secret de plus. Ta bouche est sucrée de légendes que l'on déguste comme un festin qui n'est pas à vendre, mais qui se donne comme un matin. Se prenant pour un faux printemps, tu nous parles d'une anémone poussée au cœur de tes 20 ans. Au marécage de ton passé, j'irai offrir mes pieds honteux, j'auréolerai de tes années celles qui feront de moi un vieux. Maréchal Ferrand, puisse Ode rester à Émile, au petit vieux de tous les temps. Quand la machine ne tourne plus, que l'heure du glas approche, on se chante un tout petit vin, on se boit un dernier. Et puis, tranquille, on peut partir, torcher le cul au firmament. Oda et Mille reprises, une reprise par Silver Hunter. Silver Hunter, c'est un duo franco-britannique avec notamment Tim Hunter à la guitare. Tim Hunter est un fan de Ange puisqu'en 77, à la grande époque où Ange remplissait les stades, plus de 10 000 personnes à Lyon, et bien donc à la grande époque, il avait vu Ange à Londres et donc il avait flashé sur le groupe. La bonne idée, ah quelle bonne idée d'avoir réédité Covered Air, Covered Air, deux albums coup sur coup réédités par le label bien sympathique Esoteric Records. Tout d'abord Air Conditioning et ensuite Air Cut. Le premier publié en 1970, le deuxième publié en 73. Un groupe que j'aime beaucoup, qui n'est pas sans rappeler Renaissance, avec un côté un petit peu plus psychédélique. Allez, tout de suite, un extrait du premier album réédité de 70, Air Conditioning. Thank you. Vivaldi par le groupe britannique Coverdale, à remettre dans le contexte du début des années 70 et de 1970, donc les premiers pas du progressif qui tout doucement se sort du psychédélique. Je m'aperçois que je n'ai pas indiqué le titre du morceau de Ange, extrait de cet album Heureux. Donc le voici, le voilà, ne criez pas, Nancy Jupiter à la nage. Voilà, avec un super solo d'Hassan qui nous a éblouis comme à l'accoutumée. On continue, deuxième morceau de Coverdale, Haircut, c'est l'album, ça date de 73. Thank you. Metamorphosis. Metamorphosis, un morceau culte dans la carrière de Coverdare, souvent repris notamment en public, extrait de Haircut de 73. Ils sont de retour pour notre grande satisfaction. Je veux parler du Pink Floyd allemand, Eloy. Eloy est de retour avec un album qui laisse présager une deuxième partie, puisque c'est marqué Part 1. Cet album est intitulé The Vision, The Sword and the Pyre. C'est un album qui est dédié à Jeanne d'Arc. Et donc, je vous propose, grâce à l'ami Michel, un large extrait, un morceau intitulé Chinon. Virgin of Lorraine glides across the room.

give us our victory. Eloy, un nouvel album, The Vision, The Sword and the Pyre. On reste en Allemagne avec le nouvel opus de ce jeune groupe que j'aime beaucoup, que j'avais pu voir au Prog Sud. Je veux parler de Deafening Opera. Deafening Opera. La pochette est moche. Le logo est pratiquement illisible, mais la musique est superbe. Le titre de leur album, Let Silence Fall. Tout de suite sur le 100.7 et c'est Prog à part, l'émission du rock progressif, bien sûr. Father, take me down the river to the places where our ancestors were born. And while we're looking at the shoreline, teach me what is right and what is true. My heart, I gain one in exchange. Tell me what to do, who to be. 'Cause the power of my destiny is vested in me. Help me set it free. Ah, que c'est bien, dit-il. Let Silence Fall, le nouvel opus de Deafening Opera, est le titre du morceau, si vous voulez tout savoir, Down the River. On continue avec une petite chose aussi. À l'opposé de ce qu'on vient d'entendre, là, c'est quand même assez powerful et en même temps mélodique. Là, on va tomber dans des choses un peu plus intimistes avec Plenty. Plenty, c'est un album qui a mis 30 ans à sortir. C'est un projet d'un certain monsieur Tim Barnes. Les fidèles des fidèles vont me dire « Ah ben oui, c'est le monsieur derrière No Man ». Exact, exact. Un multi-instrumentiste qui travaille notamment avec Steven Wilson. Et donc, il a récupéré des morceaux qu'il avait écrits avec ses potes, deux de ses potes, il y a 30 ans. Et ils ont eu la très bonne idée de les mettre... de les coucher sur un vinyle, j'allais dire, de les graver sur un CD. Ça s'intitule Plenty, ça c'est le nom du groupe, et l'album s'intitule It Could Be Home. Cela aurait peut-être la maison, le foyer, avec une très belle pochette, une cabine téléphonique, j'aime beaucoup. Voilà, vous avez compris, c'est British, et c'est tout en nuances, très mélancolique, très romantique. Tout de suite, Plenty. Climbing ladders to the moon, spending hours. the sea, when every stranger's eyes were yours, your every look could set me free. Free, set me free. Free, set me free. De Plenty, de No Man, de Pineapple Thief, eh bien, il n'y a qu'un tout petit pas pour y arriver, en passant par, comme je disais, Steven Wilson et Porcupine Tree. Pineapple Thief, nouvel album grâce à l'ami Michel, un album live, j'en passe pas beaucoup, et honte à moi, eh bien, vous allez voir, c'est aussi dans la même veine. Le titre de cet album, where we stood, où nous étions. Tout de suite, Pineapple Thief. Yeah. J'ai toujours beaucoup aimé sa voix, la voix d'Alan Reed. Alan Reed ? Ben oui, le chanteur, l'ex-chanteur de Palace. Il nous revient avec un live, je continue dans les lives, avec un live from the Razor's Edge. Razor's Edge, je vous l'avais passé, c'est son dernier opus studio. Et donc, le bougre reprend bien évidemment des morceaux de ses deux albums solo, mais aussi des classiques de Palace, Miam Miam. Et je vous propose Sanctuary. Sanctuary tout de suite avec Alan Reed. Is this the sanctuary we talked of in the night? Is this the sanctuary I must try to do what's right? Scratches out my face, blown between the bars that hold this place. Is this the sanctuary we talked of in the night? Is this the sanctuary must try to do what's right? Twilight owl, the searchlight owl, fingers grip the air. Freedom only comes to those who dare. Is this the sanctuary we talked of long ago? Is this the sanctuary where all our hopes have turned to stone?

fiez pas aux apparences, cette musique orientalisante vient du nord de l'Europe. De Finlande plus précisément, le groupe, c'est leur premier opus, le groupe s'intitule Hadal Sherpa, H-A-D-A-L, plus loin Sherpa, S-H-E-R-P-A. Et c'est tout du même tonneau, c'est franchement jouissif. On reste toujours dans le nord de l'Europe, on part chez les voisins norvégiens avec un groupe qui s'intitule Tusmørk, et le titre de l'album Fjersin i Farver. Vous allez voir, c'est moins compliqué qu'à prononcer et plus facile à écouter. Tout de suite sur le point 100.7 et Prog à part. Voilà, le groupe est donc norvégien, il s'appelle Tusmørk et leur opus vient de sortir sur le label bien sympathique norvégien Charisma avec un K. Ils sont aussi bien sympathiques, ils m'ont offert leur premier mini-LP. Je veux parler de Hegoa, Hegoa, H-E-G-O-A. Ils étaient eux aussi parmi les 550 passionnés au concert de Ange samedi. Et donc, ils m'ont offert leur mini-album intitulé Rêve de papier. Un album qui démarre avec des paroles récitées par le père des camps. C'est plutôt de bon augure. Mais j'ai préféré vous passer un morceau, le seul morceau chanté en anglais, Stranded Minds. Stranded Minds, tout de suite donc Rêve de papier par le groupe lyonnais Cocorico Hegoa. Je ne vais pas bien, j'en suis consciente. Mais hé, il s'est passé quelque chose de malsain, dont je n'ai pas voulu, qui me déchire. C'est un phénomène de transfert entre elle et moi, mais dans la mauvaise direction. I shall never get out of this alone. Listen to me. Here is all the story. Swine. I need help. Voilà des Lyonnais qui ont bien du talent, comme je disais à l'instant à l'ami Michel. Donc, mini-album en attendant le grand opus de ce groupe intitulé Egoa, H-E-G-O-A. Et leur premier mini-album s'intitule, j'aime beaucoup le titre, Rêve de papier. Voilà, ainsi se termine Prog à part, l'émission du rock progressif. Comme d'habitude, vous le retrouverez en son HQ haute qualité sur le net as soon as possible, je pense dès demain, dès après-demain. Vous allez sur le site d'acidedragon.eu comme Europe, Acid Dragon avec 2D et en un seul mot. Et vous cherchez Prog à part et vous suivez petit à petit, vous tombez sur le site de Prog à part. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast. Et aussi, au miracle, toutes les anciennes émissions du début de l'année et fin de 2017. Je vous donne rendez-vous en ce qui me concerne le 2 avril, ce sera le lendemain du 1er, ouf dit-il, le lundi 2 avril avec une moisson de nouveautés, comme d'habitude. Nous avons toujours à cœur de vous faire découvrir des seconds couteaux, des grands couteaux en devenir, comme on dit souvent. Voilà, je vous rappelle que Acid Dragon vous prépare une nouvelle édition. Vous allez en prendre plein les mirettes avec une nouvelle maquette, une compilation également de groupes de la région. Tout ça, ça devrait être sorti, je pense, courant avril. Mais vous pouvez toujours découvrir le numéro actuel qui est un spécial Gentle Giant. Tout ceci donc sur le site d'Acid Dragon. Voilà, et donc n'oubliez pas d'écouter des choses qui vont vous ravitailler les cages à miel, comme disait le père des camps, qui vont vous délecter. Moi, je vous dis à très bientôt, tenez tati et à que la prochaine. C'était Prog à part, une émission proposée, réalisée, présentée par Thierry Sportouche. Avec la complicité musicale et amicale de l'ami Michel. Ciao, ciao! Patient touch.